Bonjour à tous. Le paysage protestant français est actuellement en pleine mutation. Les églises évangéliques sont en expansion et du coup, les luthéraux réformés n'ont plus la place prédominante qu'ils occupaient autrefois. Au cœur de ces métamorphoses, il faut évoquer la place des églises issues de l'immigration. Qu'elles viennent d'Afrique, d'Asie ou de l'Outre-mer, ces églises sont très dynamiques et se développent un peu partout en métropole, principalement dans les grandes villes. Pour présenter ces églises et leur rôle, rencontre avec le pasteur Antoine Schlechter, c'est le responsable du projet Mosaïque à la Fédération protestante de France, un projet qui vise à rentrer en dialogue avec ces églises. On retrouve arrivant de l'étranger, dans le cadre des mouvements migratoires qui se sont dessinés depuis quelques années, des groupes, des communautés qui se constituent et qu'on appelle églises issues de l'immigration. Il y a une certaine diversité dans ce paysage-là parce que vous avez des personnes arrivant de l'étranger qui rejoignent des communautés existantes, les paroisses réformées, une majorité luthérienne, ou alors qui effectivement constituent leur propre communauté quand elles ne sont pas un peu à cheval entre les deux. Un des exemples assez intéressants, peut-être deux même, ce sont les communautés malgaches et arméniennes, qui sont là depuis vraiment plusieurs décennies, qui se sont constituées, qui ont gardé en général leur langue, bien qu'aujourd'hui elles se posent parfois des questions, qui cultivent toute une identité, entre autres culturelle, des liens avec le pays, tout en étant autonomes ici. Et plusieurs des membres fréquentant ces communautés, en particulier malgaches, se réunissent plutôt l'après-midi et vont assez facilement le matin dans une église ou une paroisse d'origine française, dirons-nous. Donc généralement, on célèbre Dieu dans la langue du pays d'origine ? C'est assez fréquent. En réalité, un bon pourcentage de ces églises issues de l'immigration, comme on les appelle jusqu'à présent, proviennent de la francophonie. Et donc on peut évidemment voir là derrière, je dirais pas un retour de la mission parce qu'il faut pas être trop catégorisé, mais disons en tout cas, la présence française ailleurs à l'étranger a également eu ce genre de répercussions, comme on le sait au niveau des mouvements migratoires, et une bonne partie des communautés, en particulier d'origine africaine, sont des communautés venant de pays avec un arrière-plan et une culture francophone. Et puis, il y a les dom-toms, les territoires d'outre-mer. Voilà. Alors, un autre pôle tout de même très, très important, c'est le pôle antillais, qui est très, très présent, le pôle haïtien également. Il faut quand même noter que maintenant, il y a un phénomène à la fois d'accélération et de diversification. C'est-à-dire que vous avez également des communautés, des églises qui se constituent provenant, par exemple, d'Afrique, et qui proviennent de pays avec également un arrière-plan anglophone, ce qui est un phénomène relativement récent. Et puis alors, il y a aussi tout l'apport et toute la venue de chrétiennes et chrétiens provenant des pays de l'Est. Alors on connaît ce phénomène au niveau des communautés orthodoxes, qui pour certaines connaissent un renouveau très impressionnant, mais c'est également le cas dans le protestantisme évangélique, en provenance des pays de l'Est, par exemple. Qu'est-ce qui caractérise ces églises issues de l'immigration dans leur manière de célébrer, dans leur liturgie, dans leur organisation ? Là encore, on ne pourrait pas se limiter à une caractéristique ou une autre, d'autant que je n'ai pas encore évoqué un autre creuset assez important qui est celui de l'Asie, des églises asiatiques. Il y a par exemple à Paris, en région parisienne, davantage de paroisses chinoises que de paroisses de l'ERF, l'Église réformée de France. C'est tout de même un signe, alors qu'elle est elle-même très active et présente en région parisienne, et souvent de milieux qu'on qualifie aujourd'hui d'évangéliques, côté baptiste, côté méthodiste, et puis alors les vagues un petit peu plus récentes d'églises de type pentecôtiste ou charismatique. Donc c'est assez variable. Les Coréens, en revanche, ont un fort contingent de communautés de type presbytérien, ce qui est l'équivalent du type réformé ici en France. Alors, qu'elles viennent d'Asie, d'Afrique, des territoires d'outre-mer, qu'est-ce qui caractérise ces églises ? J'aurais tendance à dire, avant de parler de liturgie, qu'un des éléments forts qui les caractérise, c'est le besoin d'être ensemble. Et c'est un besoin qui va quand même sensiblement plus loin que le rassemblement de personnes d'un même pays dans un autre pays. Parce qu'il y a tout ce fond très fort, très prégnant, très influent de la foi commune et de l'expression commune de cette foi. Ce qui fait que, avec des styles qui peuvent être assez différents les unes des autres, en fonction des pays dont les gens proviennent et aussi de la spiritualité qui est la leur, je crois qu'on retrouve constamment ce phénomène très compréhensible, besoin de se retrouver avec, dans la plupart des cas, un sens de la communauté qui est beaucoup, beaucoup plus fort qu'ici en France. Alors, on fait de la radio, il n'y a pas d'image, mais vous avez assisté à un des cultes provenant de ces églises-là. Décrivez-nous un peu l'ambiance, comment ça se passe par rapport à un culte en plein Paris, dans une paroisse protestante réformée. Eh bien, justement, par exemple, dans une paroisse protestante réformée, récemment, pendant le temps de communion, tout le monde était en cercle autour de la table, un cantique très connu a été entamé par quelqu'un, et c'est une personne africaine qui tout d'un coup a continué, a enchaîné, a transmis les paroles, a battu des mains, et on voyait qu'elle a porté sa touche. Maintenant, on ne va pas être exotique, mais on pourra se retrouver dans une église plutôt d'expression africaine, où après un grand et long temps de chant vivant, rythmé, etc., tout d'un coup le pasteur dit « Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que vous êtes en forme ? Est-ce que vous vous sentez apaisé, réconforté ?» Et j'ai cet exemple d'une communauté où à ce moment-là, quelques membres de la paroisse, quelques dames africaines bien en chair, se sont rendus dans les rangs et ont pris dans leurs bras une série de personnes pour leur dire l'amour du Christ à leur manière. Alors voilà, ça c'est un petit exemple un peu phénoménal comme ça. Il y a beaucoup de vie, très souvent, il y a beaucoup de chaleur et une expression de la foi où l'enthousiasme a énormément de place. Oh, happy day. Oh, happy day. Pasteur Antoine Schuster, nous parlons avec vous des églises issues de l'immigration qui sont en plein développement à l'heure actuelle en France, dans les grandes villes essentiellement ou ailleurs? Alors évidemment que dans les grandes villes, il y a un développement très important. On parle pour Paris et sa région concernant les églises plutôt « black » entre guillemets d'environ 300 communautés. On se demande si sur la France... À l'intérieur du protestantisme, elle ne représente pas tout ensemble environ 100 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Donc, grosso modo, un petit peu un dixième des protestants réguliers et pratiquants. C'est une proportion importante. Maintenant, effectivement, on voit se développer le même mouvement à une échelle différente dans les campagnes, dans les villages, etc., etc. Ça n'est plus un phénomène exclusivement urbain ou périurbain. Est-ce que ces églises font partie de la Fédération protestante de France qui, on le sait, en France, joue un rôle fédérateur entre les différentes familles du protestantisme? Certaines de ces églises en font partie, mais c'est parce qu'elles ont déjà un certain vécu et qu'elles sont membres ou membres associés. La plupart d'entre elles, en revanche, n'en font pas partie. Elles ne font assez souvent partie d'aucune structure existante à l'intérieur même de la France, mais avec d'autres réseaux qui sont parfois transeuropéens, internationaux ou en lien avec leur pays d'origine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de ghettoisation de ces églises qui finalement vivent dans leur coin d'une manière un peu disparate? Il y a un risque de cette sorte? Je crois que c'est le risque majeur qui a été celui des églises françaises à l'étranger il y a quelques décennies. Avec cette double particularité de Français ou de francophones se retrouvant entre eux quasi exclusivement et ayant un statut social élevé. Là, on est dans un cas tout de même très différent parce que assez fréquemment, le statut social et économique est très bas et c'est quasiment un besoin d'oxygène spirituel de ces communautés. Un pasteur philippin disait dans une lettre ouverte aux chrétiens d'Europe, on a été forcés à quitter nos pays Et on n'a pas pu faire autrement que de constituer des communautés, parce que pour nous c'est une question de survie profonde. Il faut déjà comprendre ce phénomène. Ensuite, le risque de ghettoisation, effectivement, il est réel, il est présent, il y a des questions d'intégration. Ce que je suis appelé à faire et animer, c'est justement créer des ponts, des passerelles, des ouvertures, pour que ces églises, ces communautés, ces individus puissent davantage s'intégrer à la fois dans la grande toile protestante, tout même au-delà, et dans la société française. Ces églises issues de l'immigration, majoritairement protestantes, elles apportent quoi au protestantisme historique qu'on connaît, les réformés, les luthériens, des églises qui ont leur place dans la société ici française depuis longtemps? Qu'est-ce qu'elles amènent d'une fraîcheur, un renouvellement des chrétiens, parce qu'ils sont nombreux à participer à ces assemblées? Absolument. La plupart du temps, ces personnes proviennent de lieux et de cultures pour lesquels dire « je suis croyant mais pas pratiquant » est une étrangeté totale. Pour eux, les choses vont de pair. Lorsqu'on a une foi réelle et vivante dans le Christ, on se rassemble en communauté. C'est pas possible d'envisager les choses autrement. Et du coup, ces gens-là sont effectivement fidèles, réguliers, présents. Alors effectivement, l'apport est extraordinaire au niveau des paroisses. Vous avez des églises locales qui, sans la présence de chrétiens d'origine africaine ou autre, tout simplement fermeraient leurs portes, parce qu'ils ne seraient pas assez nombreux pour pouvoir se réunir, avoir un pasteur ou quelqu'un comme cela. Ça, c'est un premier apport. Ensuite, il y a un apport effectivement de vie, de spontanéité, de chaleur, une autre façon d'envisager la foi, le rapport à ce qu'on appelle la laïcité, c'est tellement présent en France. Et tout cela peut être très revigorant. En même temps, c'est aussi un peu un sujet d'inquiétude parfois. Oui, parce que là, vous parlez des chances, et en même temps, c'est dérangeant aussi. Ce sont des personnes qui vivent leur foi peut-être de manière très différente, qui n'ont pas le même statut social. Il y a un conflit possible aussi, hein, ou en tout cas une non-compréhension. Voilà, ça va aussi dépendre du type de lien. Lorsque ce sont des personnes qui rejoignent une communauté, la première question à se poser, c'est plutôt, est-ce que nous les accueillons en leur faisant une place sur nos bancs, ou en leur faisant une place avec ce qui est leur expression de foi? Non pas pour qu'elles supplantent l'autre, mais pour qu'elles viennent s'y associer. C'est une première vraie question. Ensuite, vous avez des communautés existantes qui se sont constituées et qui demandent de pouvoir bénéficier des locaux d'une église qui est déjà dans un lieu. Quels sont les liens qui vont pouvoir être tissés? Et là, très très souvent, pour des raisons culturelles et de gestion, ça va pas être très facile de parvenir à s'entendre, et il faut faire preuve de beaucoup de clarté. Et puis il y a quand même un troisième type de communauté qui ne cherche même pas à cohabiter, et elles sont pour l'instant, semble-t-il, la majorité, mais qui sont là, qui existent. Il y a eu à Paris récemment la venue d'un prédicateur évangéliste américain âgé et très connu. Ce sont des églises issues de l'immigration qui l'ont fait venir, et qui représentait 80%, si ce n'est pas 95%, des personnes présentes. Dans un certain sens, ces gens-là n'ont pas besoin de nous. Et vous avez besoin de ces personnes issues de l'immigration qui prient peut-être de manière différente, qui n'ont pas la même culture? C'est un défi quand même pour les églises dites classiques protestantes. Les églises dites classiques protestantes, c'est-à-dire le pôle luthéro-réformé, de toute manière, j'allais dire, j'en fais partie et je m'y sens très à l'aise, ne sont plus la première force de frappe du protestantisme. Ce sont les communautés évangéliques. Il y a eu des études approfondies, il y a tout un travail qui a été fait à ce sujet, et la croissance des communautés évangéliques aujourd'hui et pentecôtistes est beaucoup, beaucoup plus importante que celle des églises réformées luthériennes, qui sont plutôt en situation de maintien, dans le meilleur des cas, que de croissance. Et ces églises issues de l'immigration, en général, ont une spiritualité largement partagée avec les communautés évangéliques et pentecôtistes. Et du coup, je rebondis sur la Fédération protestante de France, qui n'est pas la seule fédération d'églises en France du protestantisme évangélique. La Fédération protestante de France, ce n'est pas des réformés et des luthériens. C'est des réformés, des luthériens, des baptistes, des libristes, des églises charismatiques, ensemble. Et pour elles, c'est vraiment un défi, un apport extraordinaire que de pouvoir s'ouvrir aux églises issues de l'immigration. Pasteur Antoine Schlechter, merci. Je vous en prie. Le magazine écuménique, Béatrice Hultner. On change complètement de sujet avec la suite de notre grande série sur l'orthodoxie. La semaine dernière, nous avons parlé de la vie monastique. Cette semaine, gros plan sur l'icône qui a un rôle singulier chez nos frères orientaux. Retrouvons le père orthodoxe Michel Evdokimov. Nous disons que le premier peintre d'icônes, c'était Saint-Luc. Vous savez que Saint-Luc était médecin et peintre en même temps. Donc d'après la tradition, c'est lui qui aurait peint ce premier motif, qui est peut-être le plus répandu parmi les icônes, et qui est celui d'une mère qui tient son enfant dans ses bras, l'icône de la mère de Dieu. Il y a une autre explication. Vous avez vu le Christ. Moi, je ne l'ai pas vu, disaient les gens de la deuxième, troisième génération après le Christ. Par exemple, le martyr Polycarpe a reçu le message au pied de Saint Jean, et Saint Irénée de Lyon a reçu le message de Polycarpe qu'il avait reçu de Saint Jean. Et donc Saint Irénée était très fier de dire « j'ai reçu le message en voie directe des apôtres, mais je n'ai pas vu le Christ ». Et Polycarpe non plus n'a pas vu le Christ. Alors, à partir de là, et parce que nous sommes des êtres humains que nous avons envie de voir, l'habitude a été prise d'abord avec les graffitis dans les catacombes de Rome, et petit à petit, au fil des siècles, un canon iconographique. Un canon, ça veut dire une règle, hein, une manière de peindre. On peut pas peindre une icône n'importe comment, hein. Une manière de peindre a été édictée, s'est élaborée. Et alors, l'icône, au fond, elle a deux fonctions. Elle a une fonction théologique. Prenez par exemple l'icône de la Mère de Dieu, cette femme qui tient son enfant dans les bras. Nous appelons cette icône l'icône de la divino-humanité, c'est-à-dire, cette femme représente le côté humain qu'il y a dans le Christ, et le Christ est là pour dire « Oui, je suis le fils de cette femme ». Et en même temps, le fils, dans les bras de cette mère, a déjà l'attitude d'un adulte. Ce n'est pas le petit bébé joufflu de Raphaël, si vous voulez, mais c'est déjà un corps de petit enfant transfiguré, si vous voulez. Et souvent, il bénit. Vous voyez quelle est la signification profonde. Et même, parfois, il tient dans une main un rouleau qui signifie la parole. Donc dans les icônes, il y a toujours une lecture. Il y a une lecture à faire. Et donc, ce petit bébé, je termine, il est là pour dire « je suis Dieu ». Donc nous disons, cette icône, c'est la divino-humanité. Alors ça, c'est une lecture. Si vous prenez les icônes des fêtes, les icônes de l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'icône de Pâques, l'icône de la nativité, l'icône du baptême de Jésus au Jourdain, etc., vous lisez cette icône comme si vous lisiez le récit de l'événement dans les évangiles. Mais l'icône a une autre fonction, une fonction de présence. C'est-à-dire que nous disons que réellement, celui ou celle qui est représentée sur cette icône est présent mystiquement, spirituellement, d'une manière mystérieuse sur cette icône. Et notre prière devant l'icône, elle ne s'adresse pas à cette planche de bois recouverte d'un petit peu de peinture, mais elle s'adresse à la personne qui, sur cette planche de bois, et avec l'aide d'un peu de peinture, est représentée. Alors ça peut être Marie, effectivement le Christ, les apôtres, les saints, les prophètes, les patriarches, tous ceux qui ont reçu ce don de sanctification dans l'Église, qui ont été canonisés, si vous préférez. Donc le peintre d'icônes les rend présents à la communauté, oui, pour signifier cette présence, oui, au-delà de la mort. Voilà. Et quand vous entrez dans une église orthodoxe, vous êtes comme accueilli par toutes ces fresques, toutes ces icônes. Et plus que cela, il y a un certain dynamisme. D'abord, ces personnages sont au ciel et ils chantent la même louange sacré que nous chantons sur terre, n'est-ce pas? Ils célèbrent les mêmes mystères autour du trône de Dieu que nous célébrons sur terre. Et de plus, cette présence fait que celui qui contemple une icône peut être changé, peut être modifié. Je vous donnerai un exemple un peu trivial. dans les campagnes de Russie, avant la Révolution en tout cas, quand des moujiks, des paysans, voulaient boire un peu trop de vodka, ils retournaient les icônes. Mais, vous voyez, ils vivaient profondément la présence de Dieu dans ce monde. L'orthodoxie, on retrouve des icônes à l'église, bien sûr, mais pas seulement. Les fidèles les honorent aussi chez eux, à la maison. Les personnes ont des icônes. Dans les maisons, il y a des icônes pratiquement dans chaque pièce d'un appartement ou d'une maison. Il y a des icônes à la croisée des chemins dans les pays où c'est encore possible. Une croix est une icône, enfin peu importe le terme que l'on utilise. Les icônes des églises du nord de la Roumanie, il y a des fresques qui sont peintes à l'extérieur des murs, ce qui est une chose unique au monde, comme pour rappeler aux passants les grands mystères de la vie religieuse. Pour ces icônes, pour peindre ces icônes, il faut avoir un savoir-faire particulier. Tout le monde ne s'installe pas comme ça peintre d'icônes ? Non, il ne faut pas s'installer comme ça peintre d'icônes. Peindre une icône exige d'abord une ascèse. Il faut jeûner. Il faut faire ce qu'on appelle le jeûne du regard. Vous savez, quand on parle du jeûne, on pense souvent à la nourriture. Mais il y a beaucoup d'autres jeûnes. Il y a le jeûne de la langue, pour les gens un peu trop bavards. Il y a le jeûne du regard. Éviter que le regard n'aille s'égarer sur des images impures. Donc quelqu'un qui veut peindre une icône, il doit élever son regard intérieur. À l'origine, c'était des moines qui peignaient les icônes, et les moines peintres iconographes étaient considérés comme des hommes qui contemplaient la beauté de Dieu. Ils étaient considérés comme saints. Prenez l'exemple de Roubliov qui a fait la Sainte Trinité. C'était un saint absolument extraordinaire. Donc, tout le monde ne doit pas pouvoir peindre, ne doit pas croire qu'il peut peindre des icônes. Et puis, on ne peint des icônes que dans une tradition. Et là, il y a beaucoup de traditions différentes ? Non, dans les pays orthodoxes, il y a évidemment des styles différents. Il y a le style byzantin, il y a le style arabe, il y a le style roumain, il y a le style slave, russe, bulgare, etc. Mais les canons, les règles de peinture iconographique sont les mêmes. Je faisais plutôt allusion à des gens qui essayent, surtout en Occident ici, de modifier ces règles. Et ça me fait de la peine. Bon, je vais vous donner un exemple. Il y a une icône qui circule et contre laquelle je vous signale que l'Assemblée des évêques catholiques a mis les fidèles en garde. C'est l'icône de la Sainte Famille. Donc Joseph, Marie et Jésus. Et Jésus. Joseph, d'ailleurs, enlace parfois la taille de Marie, enfin des choses qui, pour nous, sont incompréhensibles. Vous risquez de réduire la théologie de la divino-humanité à quelque chose de parfaitement humain. Et ça, ce n'est pas dans la tradition de l'Église orthodoxe. Et encore une fois, les évêques de votre église ont mis en garde les fidèles contre la diffusion de cette icône. Donc, vénérer les icônes, oui, mais pas n'importe quelles icônes. Oui, parce qu'il y a une règle de foi. Il y a une règle de foi, il faut connaître cette foi et on ne peut pas s'écarter de cette foi. Si on ne croit pas en la résurrection, on ne va pas peindre une icône de la résurrection, c'est évident. Mais l'icône de la résurrection, elle est là pour nous rappeler que la résurrection existe. Vous vous rappelez comme à quel point la résurrection a été mise en question il y a une vingtaine d'années. Merci au Père Michel Evdokimov. C'est la fin de ce magazine, mis en onde par Joël Camus. À la semaine prochaine. Vous avez aimé cette émission ? Vous pouvez vous la procurer sur cassette ou CD auprès du service auditeur de RCF, 7 place Saint-Irénée, 69 321, Lyon Cedex 05.